droit dans le mur, si j'allais les dire que j'adore, je défends mon or. Si je te vois sortir le fer, évidemment que je vais fuir, tenter de maîtriser mon sort. Comme c'est évident que je vais revenir. Ils viennent péter un conteneur. Bébé, je sors, je vais prendre l'air. Je baiserai toute la ville ce soir. Demain, on dîne avec ma mère. On versera des coffres forts. Les rotules des mercenaires. Quand j'ai tort, faut être d'accord. À Vladimir, Dark Vador. Aspa, ça, aspa. Proto, je peux te faire croire que les pompiers, c'est la NASA. Que la mumu, c'est la guardia. Je fais des restos sur restos. Je leur dis que je vais aux toilettes, mais je vais régler la cuenta. C'est pour ça qu'ils me disent mes potos. Start up, start up, start up, start up big, start up, start up, start up, start up big, start up, start up, start up, start up big, start up, start up, start up, start up. J'explique, on vend les rôles à coco mais on fume que le shit. Y'a la violence au refrain, la misère en fit. Si tu laisses mes ennemis sur le dos, regarde dans le vide. Start up big, start up big. Magnifique, elle est ma bella. Elle a le sang chaud comme son pelo. Oui. Elle sait bien compter les liasses. Les emballer dans le stylo. Star of Big, pour toi je galère toute une nuit. Bâtard, ramène toute ta clique. Ta mère, la pute sur Viva Street. Tu fais la gueule, 20 bouteilles. Elle te regarde pas, t'en es dégoûté. Elle fait la bombe, loup boudin. Je la regarde pas, elle est dégoûtante. Peu de fit et pas de chicha. Regarde plongé dans ses nichons. L'air de marron dans le Fendi. Elle ne me fait jamais de chichi. Ils se souviennent de moi comme mon cochard. Je suis rebeu et puissant et carrément frelon. On est invité par le sens, on est vulgaire et violent et ravi d'être là. Ils se souviennent de moi comme mon cochard. Je suis rebeu et puissant et carrément frelon. On est invité par le sens, on est vulgaire et violent et ravi d'être là. J'explique. On vend les rôles à coco mais on fume que le shit. Y'a la violence au refrain, la misère en fit. Si tu laisses mes ennemis sur le dos, regardez dans le vide. Start of big, start of big. Start up, start up, start up, start of big. Start up, start up, start up, start of big. Start up, start up, start up, start of big. Start up, start up, start up, start of big. J'passe la douane sur du balavoine. Comment ça, je suis dans Koh-Lanta. Je veux manger chinois pour 400 tals. Baiser la dernière Pocahontas. Ramène des conteneurs de Buenos Aires. Teaser du whisky comme au Texas. Grosse menace pour que tu ralasses. Je fais du ralice avec aucune classe. Dans les vraies cités de France, on laisse aucune trace. Je calcule même pas ton équipe de trans. J'envoie de la blanche sur la file de gauche. Avec un peu de chance, on fait quelque chose. Deux, trois Yankees, 86 doses. Les daltoniens voient la vie en rose. Les petits de la bite, ils savent où j'habite. Je m'habille en noir quand la messe est dite. Dans la rue, c'est là, c'est les Sao. Je te ramène la gueule rouge qu'à porte maillot. C'est Rina, Toto et Provenzano. Ça joue de la guitare, ça fait pas de piano. Nono Malaga, c'est mon hermano. Dans deux heures d'avion, chaud au scandalo. C'est un rapta à 3x700 palos. Je suis dans l'escalier avec mon sac à dos. C'est nous les patrons, récupère le pizzo dans la boîte à pizza. Je ramène le sirop et hasta la vista. Je suis dans les visas, les guichas, la risa, la chata, la meda. Hashtag, staraf, staraf, staraf big. Staraf, staraf, staraf, staraf big. J'explique. On vend les rôles à coco, mais on fume que le shit. Y'a la violence au refrain, la misère en fit. Tu laisses mes ennemis sur le dos, regardez dans le vide. Start of big, start of big. Start up, start up, start up, start of big. Start up, start up, start up, start of big. Start up, start up.